Pride. Qu'est-ce qu'on fait ici? La ritournelle. Deux temps, trois mouvements. Trop l'emboîte. Tudor Nicole, Yves Saint-Laurent. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, les aventuriers voyageurs présentent La route de soi. Deux temps, trois mouvements. Qu'est-ce qu'on fait ici? La ritournelle. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique du monde avec Richard Desjardins, Alexandre Dacosta et Alexandre Etier. Laissez-vous émouvoir par la poésie de Federico Garcia Lorca lors du concert Soleil d'Espagne, rendant hommage à l'œuvre de ce poète ainsi qu'à la musique espagnole. Avec Richard Desjardins à la narration, Alexandre Dacosta au violon et Alexandre Etier à la guitare. Le 3 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Soleil d'Espagne, vie et poésie de Lorca. Détails au palaismontcalm.ca. Pour son numéro d'automne, le magazine culturel et artistique Bazar nous parle du théâtre québécois et de ses succès à l'international. Parce qu'étonnamment, le théâtre de Québec semble être bien connu et que la ville abrite une mine de talents insoupçonnés. Connaissez-vous Jean-Nicolas Marquis, Kevin McCoy et Marie-Josée Bastien? Pour découvrir leur vision artistique ainsi que celle de nombreux autres ambassadeurs de notre théâtre, lisez Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. CKRL. Québec. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. On est le 29 septembre, Barbara Rank au microphone. Je reprends le micro entre deux excursions la semaine dernière en philo avec René Bolduc. La semaine prochaine, jeunesse avec Olivia Wu et son équipe. Oui. Et j'avais annoncé qu'on aurait Gilles Pellerin avec nous. Il est malade. On lui souhaite bon rétablissement. Hein, les rhumes. Non, c'est pas un rhume. Oh. Et on va souhaiter qu'il guérisse vite pour nous revenir, pour nous parler de Claire Martin. René, tu as eu la gentillesse de proposer Des lectures d'été. Des restants de lectures d'été, dont une qui a mangé le lac Saint-Jean. On voit que j'ai lu ça sur... Oui, la mer. Alors, Nancy Houston, Danse noire et... À la mer. Oui, et un livre de Philippe Deschemins, Contoyen. Qui, oui, ça, on en parlera. Je pense que c'est même pas... C'est pas le début de ma chronique, là. Non, fait un tour de table. Voilà. C'est exactement ça. Après, je suis très contente de retrouver Hélène Lépine avec la poésie. Depuis le début de la saison, on n'en a pas trop parlé de la poésie. Non, puis c'est ça, je me dis absolument, il faut que je vous parle des lectures de poésie de la saison précédente. Plus, il y a un événement tout bientôt, là, très important à Trois-Rivières. Alors. Ben oui, ça oui, s'en oui, vient, ça s'en vient. Et là, tu nous as apporté un qui vient de gagner le prix... Au Salon du Livre du Saguenay. Saguenay, oui. Exactement. Alors, donc, le recueil « Salut Lou » de Laurence Ouellette Tremblay et aussi le recueil de Jacques Ouellette paru au printemps dernier, « On ne laisse rien au Norrois ». Alors, le Norrois, la peuplade, ça promet. Oui. Un peu plus tard, Christine Eddy va nous rejoindre pour s'entretenir avec moi sur son livre « Je suis là ». Mon premier coup de cœur québécois de la saison. C'est un roman que j'ai adoré et ce qui prouve que des petits romans en page peuvent être très grands romans. À Après, Maryse, toi et moi, on va parler un petit peu de Geneviève Desrosiers. Il y a comme un engouement autour d'elle. En tout cas, j'ai l'impression que je tombe tout le temps sur des affaires sur elle. Dans mais la c'est presse. Cyclique, hein? On dirait que ça. Depuis son décès, c'est cyclique. Là, elle nous est revenue dernièrement. On va en parler tantôt. Moi, j'ai lu un petit livre. On dit que c'est jeunesse, mais j'ai lu ça avec beaucoup de plaisir. Boîte à mémoire de Roger Desroches, que j'avais pas lu depuis un certain temps. Très heureux de le retrouver. Là-dessus, on va partir en musique aujourd'hui. On écoute Vincent Gagnon pendant toute l'émission et après, on revient avec René Bolduc. De retour à l'émission Les bouquins d'abord. René, Nancy Houston. Ben oui, mais faut-il encore la présenter, Nancy Houston? Non. Grande écrivaine, essayiste aussi, canadienne qui vit en France. C'est une lecture d'été, hein. Je sais pas si je vais bien en parler. Honnêtement, là, quand ça fait 2-3 mois que j'ai lu un bouquin, là, je me suis replongé un petit peu là-dedans aujourd'hui. Bref, j'y vais, je me lance. C'est toute une saga familiale. C'est pas la première dans son cas. Nancy Houston, je me rappelle avec un très beau souvenir aussi, Ligne de faille d'elle. Ça couvre tout un siècle d'histoire, de 1910 jusqu'à 2010 à peu près. Et l'action se déploie sur différents continents. Ben, l'Europe, l'Irlande, le Canada, le Québec, l'Amérique du Sud, le Brésil. En gros, qu'est-ce que c'est? Personnages principaux. C'est une conversation entre Milo Noirlac, Black Lake Noirlac, et Paul Schwartz. Ça, c'est un couple. Milo, Schwartz, deux Black hommes. Lac, en tout cas. Lui, il est malade, Milo. Il est à l'hôpital. Et il écrit des. Lui est scénariste et Paul est réalisateur. Et là, ils veulent faire un film sur la vie de Milo, qui a une vie, mais vraiment là, hors de l'ordinaire. Il y a un vécu assez spécial. Et c'est un peu déroutant, dans le sens de... Tu lis à la fois du cinéma romancé ou un roman en cinéma. Il y a beaucoup de dialogues autour de... Comment qu'on va monter telle scène? Comment est-ce qu'on va montrer ton grand-père quand il essaie d'écrire? Quelle lumière on va utiliser? Quels acteurs? Le minutage? Les coups? Ben là, on fera pas la scène de combat, etc. Ça va coûter trop cher, mais peut-être que les producteurs vont accepter. Et puis, bon, alors, le père de Milo, Declan, lui, provient d'une famille irlandaise de 13 enfants. Le grand-père, Neil Kerrigan, lui, bon, il vient de Dublin. Il y a tout un chapitre, enfin, c'est continuel, là, dans le roman. Il veut devenir écrivain comme Joyce. On assiste à ses difficultés d'écriture. Il est ami avec le poète William Butler Yeats. Et il s'est engagé dans les volontaires irlandais. C'est les ancêtres de l'armée républicaine irlandaise. Et finalement, il va se retrouver à immigrer au Canada, au Québec, à travailler dans un milieu rural, hein, de Liverpool à la ville de Québec. Alors, Declan, lui qui est né ici, lui va fréquenter des bordels au Québec. Et là, Awinita... va tomber enceinte de lui et va naître Milo, qui est un mélange de Québécois, d'Irlandais et de Cree. Et ce Milo-là va passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Il va finalement se retrouver chez la sœur de Declan vers l'âge de 10 ans. Puis là, là-bas, là, chez, comment qu'elle s'appelle, je ne sais plus, Marie-Josée, Marie-Thérèse, il va subir des humiliations atroces, mais il sait aussi se défendre. Par chance, il va garder contact avec le grand-père Neil, qui va l'initier à la littérature. Donc, on a une espèce de petit enfant sauvage, mais qui peut citer Shakespeare dans le texte, qui parle allemand, qui parle français, qui parle anglais. C'est assez bizarre. Et il va être initié à la sexualité vers la fin des années 60, 60, on est en 67, 68, par un couple d'Américains qui a un chalet là, en campagne. Lui, l'homme est producteur de films gays, puis c'est assez étrange là, pour le Québec rural de l'époque. Puis là, plus tard, il va se retrouver, Milo se retrouve à Montréal, il va faire de l'héroïne. Plus tard, il va réussir à se faire admettre dans une université, même s'il n'y a pas de diplôme. Et il va rencontrer Paul au Brésil. Milo est fasciné par la danse brésilienne, la capoeira, hein, qui est une sorte de danse entre hommes, le mélange de combat et de sensualité. C'est qu'on avait interdit de pratiquer la lutte aux esclaves afro-brésiliens, mais là, eux disaient, non, non, ce n'est pas de la lutte qu'on fait, c'est de la danse. Alors Milo, un des personnages principaux, est fasciné par ça, il veut faire un film là-dessus, et il va pratiquer également cette danse. Hein? Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est là que je vais, qu'il va rencontrer Paul, oui, aussi, un réalisateur new-yorkais. Et la musique typique pour cette danse-là joue un rôle principal dans tout le roman. Là, j'ai l'air de raconter ça d'une manière linéaire, là, mais pas du tout. C'est un roman, mais complètement éclaté. On est parfois en 1910, parfois on est en 1950, parfois en 1990, d'un chapitre à... Ça parle toutes sortes de langues dans ce livre-là, parce que moi aussi, j'ai lu en partie jusqu'à ce que je me suis fait enlever le livre. Et oui. C'est en allemand, c'est en anglais. Des longues pages en anglais. Des longues pages en anglais, et ce qui est... Alors, et ça dérange même pas. Quand on a, par exemple, je vais sortir, Berbel, mon accent anglais épouvantable. Hein? Quand on a un anglais parlé, là, attention, bouchez-vous les oreilles, là. Not everyone would agree with you on that. Some people think you bad. Puis là, en bas de page, on a toutes les traductions, mais en québécois. Là, tout le monde serait pas d'accord avec toi. Ah, il y a des gens qui te croient niaiseux. Ouais. Alors, on a toutes ces traductions-là. Bref. On a toujours les dialogues des gens dans leur langage naturel. Ouf! Bon! Mais c'est quand même... c'est naturel, mais en même temps, c'est archi-construit, c'est archi-écrit, travaillé comme langue. Autant, je te dirais, même l'allemand, là, même si j'ai relevé une couple de fautes, c'est très, très, très travaillé. Oui, oui, oui. Et j'avoue que c'est, comme je le disais au début, c'est un peu déroutant. Par chance, j'étais en vacances parce que si ça n'avait été qu'une lecture de soir après la journée de travail au lit, pour ne pas dire au lit, là, oh, j'aurais trouvé ça un peu difficile. Bref, il faut s'accrocher, laisser le style arriver et finalement... C'est peut-être pas le plus intéressant de Nancy Houston que j'ai lu, mais ça reste toujours bien aimé. Danse noire chez Actes Sud, Lénéac. L'autre roman, c'est Contoyen de Philippe Deschemins. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une utopie négative, hein? C'est ce qu'on appelle dystopie. Contoyen, c'est le citoyen consommateur. C'est un premier roman de la part de Philippe Deschemins, qui est un auteur né en 78 en Provence. Il s'occupe aussi d'un webzine qui s'appelle L'Incontournable, une espèce de magazine culturel, socio-politico-culturel branché. Et là, de quoi est-il question dans Contoyen? Je pense que je vais le citer, tiens, à la page ici, page 25. Alors, ça va comme suit. Dans ce monde-là, là, bon, il n'y avait pas de travail, pas de labeur. Nous recevions tous une allocation mensuelle et notre seule activité consistait à dépenser ce budget. Notre vie entière destinée à cela, consommer. En zone contoyenne, ici où je résidais, le citoyen modèle est celui qui consomme de manière optimal, ni plus ni moins que son budget. L'équilibre parfait en fin de mois. Voilà ce à quoi nous étions programmés. Là, t'as rendu trois filles super malheureuses. On a toutes les trois des faces complètement défaites. Qu'est-ce qui se passe? C'est d'une tristesse finie, ça? Ben là, quelle sorte de sens de la... Quelle sorte de sens à la vie peut-il se dégager de ça? Oui, tiens, exact. J'ai envie de le reciter ailleurs. Il est impossible de nous résumer comme ceci. Il n'y a que mon être qui compte, mais j'ai besoin de voir les autres régulièrement et me fondre dans une masse dont j'ai besoin de me différencier constamment. Notre génération n'était que non-sens, notre monde absolument stupide. Fin de la citation, mais le personnage principal, Dimitri, comme dans Le Meilleur des Mondes, là, comme Bernard Marx dans Le Meilleur des Mondes, a une prise de conscience et décide de mettre fin à ce cauchemar, parce qu'ils prennent conscience qu'il y a la zone comptoyenne et la zone pro-toyenne. La zone pro-toyenne correspond un peu à l'Afrique. Autrement dit, pour que les gens de la zone comptoyennes vivent, ne fassent que consommer, bien, ils ont besoin de gens qui ne font exploitent. Que produire d'une zone qui est complètement exploitée. Alors, eux veulent faire sauter tout ça. Le livre, pour se le procurer, alors il faut aller sur le site de la maison d'édition qui s'appelle Le Cercle La Boétie. La Boétie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'auteur d'un seul livre, d'un tout petit livre, Étienne de la Boétie, qui s'appelle « Discours de la servitude volontaire », un livre écrit autour de 1580, qui était un ami de Michel de Montaigne, et c'est grâce à Montaigne qu'on connaît Étienne de la Boétie aujourd'hui. Alors, et cette maison d'édition-là veut faire sauter un peu les cadres disons, de la littérature... Comment est-ce que je pourrais décrire cette littérature un peu trop mainstream, là? Trop académique. Trop académique. Ils veulent brasser la cage. Et c'est préfacé par un Québécois, philosophe, théoricien de l'éducation, Normand Baillargeon, qui souligne qu'on a affaire là à une bonne, intéressante expérience de pensée à travers le roman « Comptoyen » de Philippe Deschemins. Alors, vous allez sur le site... On va mettre ça sur la page Facebook. Oui. Ouais. Le Cercle La Boétie. Voilà. Merci, René Bauduc. On va écouter un peu de musique et on revient avec Hélène Lépine. De retour à l'émission Les bouquins d'abord sur les ondes de CKRL. Je suis avec Hélène Lépine qui nous a préparé de la poésie. Oui, il y a longtemps que je voulais vous parler de Jacques Ouellet. Alors, oui, Jacques Ouellet, sans doute l'avez-vous entendu, il est souvent présent dans les nuits de la poésie, beaucoup d'événements de lecture publique à Québec. C'est quelqu'un vraiment dont on aime suivre l'œuvre. Il vient de fournir un sixième recueil au printemps qui s'appelle On ne laisse rien, avec une magnifique œuvre en couverture de Nicole Gagné qui laisse la place à toute l'imagination, herbe ou pelage de renard. Et c'est très propre à la poésie de laisser la place au lecteur pour que le lecteur se ferait un chemin. Jacques Ouellet avait une longue carrière. En 87, il avait gagné le prix Octave Crémazy pour son premier recueil qui s'appelait « Qui ose regarder ». Dans ce dernier recueil, il s'intéresse particulièrement à la disparition. Alors, la disparition des êtres, des choses. On dit qu'au-dessous, il y a la disparition d'une amie, morte de maladie, suite de maladie. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous laisser sentir à travers tout le recueil combien les choses aisément vont s'effriter. Combien, quand on s'attarde au frémissement de quelque chose, une seconde est passée. Et puis, déjà, il y aurait peut-être plus du tout de survie de cette chose, de cet être et tout. Et l'effritement peut venir de quelque chose de tout simple, la maladie, mais aussi de choses que le monde provoque chez les autres, alors que ce soit par il y a tous les conflits, il parle nommément de la torture et tout ça. Il parle, en fait, de tout ce que ce monde qui a, dit-il, perdu l'avril de chaque seconde provoque c'est très, très beau, le printemps. Alors, il va insister beaucoup sur l'illusion qu'on a de la durée. Et puis, il va dire, faites attention, il y a toujours ce calcul sans... Il ne dit pas comme ça, mais il va parler du calcul sans faille de chaque seconde. Alors, ce qu'il fait tout au long du recueil, si je peux dire, c'est qu'il va observer les choses se rapprocher, parler de la lumière, parler de la beauté, parler de la tempête, des horreurs, parler de toutes ces choses auxquelles il faut porter attention, et c'est ce regard du poète qui va être notre pré-regard sur ces choses. Et autant il est attentif à ces choses, autant il est attentif à ces mots. Tous les mots sont sous-pesés, posés, tracés pour n'être plus, pour laisser une empreinte, malgré ce qu'il dit qu'il y a disparition et il y a normalement plus de suite à ça. Et c'est une écriture vraiment d'un patient mûrissement. Et puis, on peut dire que malgré la difficulté de cette disparition, il y a toujours, il va y opposer une espèce de tendresse face au monde, un regard toujours qui est un regard lucide et puis qui est marqué d'un vouloir vivre, puis marqué de tout ce qui fait notre humanité, en fait. Et puis, c'est quelqu'un qui, on le voit, va exiger une lecture qui est à la fois une lecture attentive, mais aussi qui va laisser en nous des échos longtemps, longtemps, longtemps. Je vous lis juste un petit quelque chose. Je peux pas lire beaucoup, mais enfin, il va dire des choses comme j'embrasse la lumière assombrie de l'étreintre. Je n'existe pas davantage que l'ombre. Avant 3 heures, j'aurai retrouvé l'étrangeté d'un mot chiffonné dans ma poche, l'étonnement d'avoir franchi quelques secondes. Ou encore, enfouir les nuages sous sa veste, prendre la fuite, aussitôt de retour épiant l'horloge. Une pluie de feuilles donne du panache à la seconde. Tout se dérobe. Sans que ce soit triste, c'est quelque chose... Il y a de la mélancolie. Il y a de la profondeur, de la lucidité et évidemment une certaine forme de nostalgie. Nostalgie de cette amitié qui est morte, nostalgie de ce qui meurt autour de soi. Un brin d'herbe, un animal, une lumière qui... Une feuille qui tombe. Mais oui, une personne au Tibet, une dame au Tibet qui est torturée. Bon, voilà. Et puis, alors je vous invite vraiment à lire Jacques Ouellette. Et on peut aussi l'entendre. Là, je vais faire publicité. Oui. Concurrentielle à Radio Ville-Marie le 2 octobre, donc c'est tout bientôt à 22h, et ou en reprise le 5 octobre à 21h30 à Vivante Poésie. Alors en même temps, une émission qui poursuit cette entreprise de nous mettre sur la piste des poètes et tout. Alors là, j'enchaîne avec La Peuplade. Alors c'est tout à fait autre chose. Si on parle Salut Lou, on est à l'opposé de la disparition. On est dans la naissance, dans ce qu'elle appelle l'engendration. Et avec La Peuplade, on est avec des voix particulières différentes. Laurence Ouellette Tremblay est une poète qui en est à son deuxième recueil. Son premier était Une bête, est paru en 2010, a été remarqué préalablement par une suite poétique en 2009 à Radio-Canada. C'est quelqu'un qui vient d'être honoré justement du prix de poésie à la 50e édition du Salon du livre du Saguenay. Et c'est une jeune femme qui n'a pas, en quelque sorte, la langue dans sa poche, dans la mesure où sa poésie est faite de jeux de langage très, très, pleine de poussée de sève, de force, de toutes sortes de choses. Et très liée à la nature. J'ai lu des extraits avant de te le remettre. Très liée à la nature, comme l'était son premier quand c'était une bête. Il y a tout un rapport à l'orignal. Là, on est avec le loup. On pourrait dire comme sous-texte, citer cette vieille phrase, l'homme est un loup pour l'homme. Parce que s'il est question, comme elle le dit, d'engendration, c'est de naissance et tout, le propos est que on met au monde, mais on met au monde souvent sans ce qui devrait être dans le creuset de la mise au monde, c'est-à-dire l'amour. Alors souvent on met au monde et puis c'est pas quelque chose qui va nécessairement produire de la tendresse de la part de ceux qui engendrent, etc. Ça va souvent être violent, ça va souvent être déchirant. Et puis, elle prête en quelque sorte ses mots à cinq voix qui forment les cinq sections. Elle va faire parler par ce qu'elle appelle les assis par terre, donc les sans-voix, tous ces petits loups, je dirais, qui viennent au monde, qui naissent. Et puis, elle va aussi faire parler des voix qui vont nommer ce que ça va occasionner aux agrandis, les engendreurs, les grandes louves. Alors, donc, il y a de la place pour tous les points de vue, et ça peut être aussi déchirant que la disparition dans le recueil précédent. Et quand je dis que son langage est vibrant et tout ça, c'est qu'il y a véritablement à certains moments donnés, les mots fusent, il y a une profusion. À d'autres moments, ça devient tout délicat, puis il y a des poèmes absolument incisifs qui décapent un peu. Et puis, alors, je vous donne au début, ça fuse tellement qu'on n'est pas dans le sens, on est dans le son. Par exemple, elle va dire l'engendration comme une rencontre de grandeur qui s'apparaissent de loin en loin, s'embêtent, se touchent, se palpent et se reconnaissent à leur tête de brindille, agrandie, bête, tête de loup, pas de dents, tête de bois, tête de boule, bisaillée, de balle, de bolide, déboulée, habile, bobine à bulbe. Puis, il y a les poèmes tout délicats. Viens ici, que je t'ai bourri, fais te taraude, te chéris cette enveloppe. De ma grande langue baveuse, chaude et iroquoise. Et puis, il y a ces poèmes incisifs. Nous, les choux extrêmes, les choux biaisés, braisés, revendiquons notre droit à l'amour hystérique de nos engendreurs, à l'amour sans barrage de nos metteurs au monde, nos monteurs en scène de vie, revendiquons la possibilité qu'un jour nos cœurs explosent de joie. Alors, vous dire, ça nous entraîne tout à fait ailleurs. Ce n'est pas dans l'économie, toute la subtilité de la poésie précédente et la profondeur, mais c'est quand même aussi, je retire mon quand même, c'est une poésie qui frappe. Elle est très jeune. Elle est au début. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est magnifique. Alors que les poètes se trouvent à différents lieux de cette vie et nous livrent des textes qui méritent la lecture, que je vous invite à. Et n'oubliez pas du 3 au 12 octobre à Trois-Rivières, il y a tout pour les amateurs de poésie. On va mettre ça aussi sur la page Facebook. Absolument. Et puis les deux œuvres en couverture, celle de Patrick Beaulieu pour La Peuplade, sont magnifiques. Les deux. Oui. Allez. Merci, Hélène Lépine. On va partir en pause pub et on vous revient avec Christine Eddy. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto au cèpe, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec, vous invite à sauter à pieds joints dans sa fabuleuse programmation 2014-2015. 12 œuvres chorégraphiques d'exception, sensibles ou radicales, parfois envoûtantes, souvent énergisantes, auscultent la condition humaine et témoignent de notre temps. Venez à la rencontre de créations venues de Québec et Montréal, de France et de Grèce. Nul autre que Mathilde Monnier, Karine Ledoyen, Annie Gagnon, Ruthless Root et Frédéric Gravel nous visiteront cet automne. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou via Billettech. Assistez à une rencontre hors du commun entre l'écrit et l'image le mardi 14 octobre prochain dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres lors du spectacle Paroles sur image. Pour un soir seulement, quatre auteurs et quatre dessinateurs unissent leurs forces pour créer quatre œuvres originales, lues et illustrées en direct. Découvrez les créations de Webster, Catherine Dorion, Pierre Bouchard, Bach et plusieurs autres. Paroles sur image, le 14 octobre, 21h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Macarons de festivalier obligatoire. Réservation au 418-641-6788, poste 125 ou à info@québecentoutelettres.com. Une production de Parenthèse 9, présentée grâce au soutien de Première Ovation et en collaboration avec Le Cercle, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et CKRL. Psst, vous ne pouvez pas vous rendre sur place? Écoutez la lecture des textes en direct sur les ondes du 89.1. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord et, comme promis, je suis accompagnée de Christine Hédy. Bonjour Christine, je suis contente de t'avoir. Ça me fait plaisir. J'ai déjà annoncé que c'est mon premier coup de cœur québécois de la saison. Et j'ai pas encore rien lu d'international, fait que tu restes hors concurrence. Je suis là. Je te dirais quasiment, j'ai plus aimé ça que tes autres romans. Je sais pas pourquoi, parce que le sujet est pas facile. Non, le sujet est pas facile. Peut-être parce que c'est un mélange de poésie et d'humour. Je sais pas, je lance ça comme ça. As-tu le goût un peu de nous raconter comment t'as trouvé ton sujet, parce que c'est inspiré de la vraie vie, là. Je crois que c'est le sujet qui m'a trouvé, parce que, oui, en fait, j'ai une amie d'enfance dont la fille a eu un accident assez grave il y a 4 ans. Un accident qui l'a laissé paralysée complètement, ce qu'on appelle le syndrome de verrouillage. Il y a juste les yeux qui peuvent communiquer. Et bon, bien sûr, depuis 4 ans, j'y vais quand je peux. Elle est au Nouveau-Brunswick, qui est le pays où j'ai grandi. Mm-hmm. Et un jour, la maman m'a envoyé une photo. J'étais en train d'écrire tout à fait autre chose. Un jour, l'an dernier, parce que c'est un livre que j'ai écrit assez vite, m'a envoyé une photo et tout d'un coup, j'ai entendu la voix d'Angèle, en tout cas... Que tu connais depuis qu'elle est toute petite, je suppose. Que je connais depuis qu'elle est toute petite, mais je connais davantage ses parents. Je connaissais un minimum d'informations sur Angèle. Elle a étudié en histoire, elle a étudié en bibliothéconomie, elle aime les livres. Déjà, il y a quelqu'un là de vraiment intéressant. Ouais. Elle a voyagé beaucoup. C'est une fille très drôle, qui a beaucoup d'humour. Et qui, malgré ce qui lui arrive, j'allais dire un moral d'acier, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est difficile d'avoir un moral d'acier dans ce cas-là, mais une capacité d'autodérision qui est fascinante. Elle communique avec les yeux? Elle a développé un alphabet? En fait, c'est international. Elle a fait 6 mois de réadaptation pour apprendre à communiquer avec cet alphabet, mais si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça, ou si vous avez vu le film Le scaphandre et le papillon, c'est un peu la même chose. Ouais. Dans Le scaphandre et le papillon, ils communiquent très rapidement, mais dans la vraie vie, les gens qui sont atteints de ça, c'est très long pour communiquer. Est-ce que, moi, quand j'ai lu ça, parce que moi, j'ai pas lu la quatrième de couverture. Pour moi, c'était un roman de Christine Hédy et je savais que de toute manière, je voulais te lire, fait que j'ai pas lu la quatrième. Je me suis lancée et ça m'a pris comme beaucoup de temps avant de comprendre ce qui arrivait avec cette fille-là. Mais même dans la quatrième de couverture, on a essayé de pas dire ce qui arrivait, mais comme tout le monde parle du livre en parlant d'Angèle, c'est pas grave. Et ce que j'ai adoré, c'est son regard, parce que tout le long, on est avec elle. On suit son regard sur son monde et Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on met ces gens-là dans les centres pour personnes âgées, parce qu'ils sont en chaise roulante, ou parce que c'est ça ce que je comprends un petit peu dans ce cas-là, ou c'est ta manière de romancer? Ce qui est écrit en quatrième de couverture que tu as pas lu, c'est que c'est une histoire vraie, mais oui, c'est pas tout à fait la vérité. Ça, je m'en doutais un petit peu. Oui. Oui. Alors c'est un roman, comme je le disais, je connaissais d'Angèle un certain nombre d'informations. Je lui en ai demandé davantage, mais j'ai inventé quand même beaucoup de choses autour d'elle. Ça fait que ce monde-là, tu l'as inventé parce que c'est fascinant. Là, elle vit dans un monde. Moi, ce que j'ai adoré, c'est me dire qu'il y a peut-être des centres de vieilles personnes. On passe devant, on voit rien, mais à être dedans, on verrait peut-être aussi toutes ces choses-là, toutes ces gens-là, qui ont, malgré le peu d'avenir qu'ils ont, encore de l'avenir. Sont encore vivants. Oui. En fait, je suis là, c'est un peu ça aussi. Oui, hein? C'est que quelquefois, on croit des gens, on écarte des gens de la société très facilement, alors qu'ils sont encore là. Oui. Mais parce qu'ils sont différents, ou vieux, ou handicapés. Mais il faut admettre que j'ai inventé pour Angèle un centre de personnes âgées un peu plus idéal que la moyenne. Je pense que même moi, quand je suis allée la visiter, c'est des endroits, pour toutes sortes de raisons, pas à cause des pensionnaires qui y sont, mais à cause de la situation, à cause de la lourdeur des soins, à cause du roulement des préposés, l'organisation, je sais pas, c'est pas forcément des endroits joyeux. Non, il y a aussi que, bon, c'est pas tout le monde qui est là par vocation. Là, je parle des préposés, des gens qui travaillent là. Ils sont là pour gagner leur vie. Mais j'en ai inventé une dont je suis là qui est absolument adorable, qui s'appelle Doris dans le roman. Et je dois dire que quand je vais visiter Angèle, il y a des préposés qui sont extraordinaires. J'aimerais revenir un peu au côté poésie, parce que c'est quand même très, très fort. Écoute, le tir groupé du destin, non pas du destin, c'était pas comme ça que c'était formulé, mais le tir groupé, quand même pour un accident assez grave, ça c'est toi, ça, qui a trouvé les mots pour ça. C'est pas l'autodérision d'Angèle qui... Non. C'est sûr que je raconte son histoire avec mes mots, mais en essayant d'être le plus fidèle possible à ce qu'elle est. Et à Noël dernier, j'avais une première version du manuscrit. Sa maman lui a lu. Et j'ai eu les commentaires d'Angèle. Ça a pris trois semaines pour qu'elle donne ses commentaires. C'est pas des... Elle m'a fait changer deux ou trois petits détails, mais j'ai su que ça, elle l'avait trouvé drôle. Elle a vraiment insisté pour faire savoir ce qu'elle pensait à chaque page. Ah, c'est beau. Oui, très. C'est très, très beau. Oui, effectivement. Angèle a des enfants et un mari qui est très, très débordé. Mais moi, je suis mère. J'ai trouvé ça très beau qu'elle qui, en tout cas dans le livre, a jamais vécu avec ses enfants. Elle a enfanté et le tir groupé est arrivé. Et elle est quand même une mère. Elle suit ses jeunes, elle suit ses enfants. Ça fait partie aussi d'une grande partie de la poésie, non? Mais il fallait un fil conducteur. Ça a été facile d'écrire ce livre, puis ça n'a pas été facile non plus. Ça a été facile de trouver la voix d'Angèle. Et du fait qu'elle soit historienne, bibliothécaire, qu'elle ait voyagé, tout de suite j'avais un terrain extraordinaire, parce qu'évidemment, quand vous racontez l'histoire d'une personne immobile, ça fait pas un roman d'action. C'est l'imagination qui prend toute la place. Et ça, pour un auteur, c'est merveilleux. Mais en même temps, c'était pas facile, parce que Angèle est quelqu'un de vivant, elle a une famille, elle a des proches, et il n'était pas question dans ce livre que je rajoute à sa souffrance, et il n'était pas question que je blesse ses proches non plus. Donc j'avais un peu moins de latitude que quand on écrit une histoire qui est totalement inventée. Une petite parenthèse, aurais-tu été tentée, parce que j'y ai pensé, d'aller plus vers le burlesque pour les personnages, avoir eu toute latitude? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait comme un terrain fertile. pour le burlesque là-dedans. Mais c'est beau parce qu'on le frôle sans plus. En tout cas, l'humour, certainement. La caricature, je ne suis pas sûre. Oui, peut-être. Non, pas la caricature, plus le burlesque. Le burlesque. Ouais. C'est ce, plus ce que j'ai ressenti. Non. Mais c'est-à-dire que si j'avais eu toute l'attitude, il est possible que... j'allais dire que c'eût été... C'est bien! Vive le passé simple à la radio! Mais oui, il faut... Non, mais il aurait été possible que ça ait été beaucoup plus noir. Parce que mon regard sur ce qui arrive à Angèle est... Est plus triste. Ah oui, je trouve ça vraiment très désespérant, mais je crois que c'est un livre qui est rempli d'espoir parce que... J'ai voulu lui donner à elle de l'espoir, mais je pense que elle-même, par son attitude extrêmement courageuse, ça vaut la peine de connaître Angèle, et c'est ce que j'ai essayé de faire, la faire connaître, parce que elle est, je pense qu'elle peut nous donner du courage dans nos soucis quotidiens, on en a tous, et même dans nos drames quotidiens. Le sien est tellement énorme. Est-ce qu'il y a une, parce que, en tout cas, il reste quand même... Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait comme un tremplin pour partir, pour se mettre à marcher, pour... Est-ce qu'il y a cet espoir-là pour Angèle, pour vrai? Ou peut-être, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais il y a des cas où ça arrive. Il y a des cas où ça arrive. Elle, ça fait 4 ans déjà, mais c'est pas impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Je sais qu'elle veut. Elle veut. Okay, elle pense qu'elle va marcher. Elle en est persuadée. Okay. Remarcher. Tu as déjà des prochains projets d'écriture ou tu fais partie des gens qui écrivent un livre, qui le laissent reposer et... Mais étonnamment, étrangement, c'est-à-dire parce que c'est pas dans mon habitude, j'écrivais autre chose avant de commencer Je suis là. Alors, bien sagement, je me suis dit que aussitôt le manuscrit parti chez l'imprimeur, j'allais reprendre l'ancien manuscrit. Mais finalement, j'ai tellement d'activités. De toutes sortes, j'ai accepté des contrats vraiment intéressants de rédaction ou des textes à écrire, les salons du livre en ce moment parce que livre vient de sortir, que je sais pas quand est-ce, peut-être en décembre, je crois que je vais me remettre à mon ancien manuscrit. Et tu veux manuscrit. Vraiment reprendre ton... C'est ça, tu veux reprendre ton manuscrit. Ça me tente parce qu'il a quelque chose d'un peu fou. J'essaye toujours de jamais refaire la même chose. Oui, quand tu m'as dit que tu avais préféré celui-là, ça me... Celui-là, je suis là. Ça me fait plaisir parce que je crois que les carnets de Douglas étaient plus poétiques, Parapluie était plus humoristique. Oui, mais c'est comme un super mélange. Là, vraiment, c'est juste parfait. Merci Christine et Eddy. Merci. On va se retrouver pour le prochain ou avant dans une activité en ville. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, Barbe Rank avec Maryse Lapierre. Allô? Salut! Geneviève Desrosiers, que je ne connaissais pas, et tu m'as vraiment fait découvrir quelqu'un. Depuis que tu m'as parlé d'elle, j'ai l'impression... son nom partout? Oui, genre! Oui. C'est un peu ça. Tout ce que j'ai trouvé sur le web m'a vraiment mis... à l'envers, d'une certaine manière. Est-ce qu'on fait un petit survol sur sa vie? Pas bien, bien long, hein? Oui, on peut commencer. Oui. Elle est née en 90 et elle a fait... En 70. Et elle est morte à 26 ans, en 96, en tombant d'un balcon pendant une fête. Rien de dramatique. Elle s'est pas suicidée. Vraiment, sur le party, un accident tout bête. Et de son vivant, elle avait publié un poème qui s'appelle « Nous ». Oui. Et c'est tout. Elle, posthume, il va avoir la publication de son recueil « Nombreux seront nos ennemis ». Le titre est magnifique. À la magnifique maison d'édition « Loi de Cravant » que j'aime beaucoup et depuis un bon moment. C'est l'éditeur Benoît Chaput qui a vu afficher chez une amie en commun un poème et qui a fait « Un, oui. Je la veux ». Une chance qu'il y ait des éditeurs comme ça. Hein? Vraiment, c'est une toute petite plaquette. Et elle était surtout active en art visuel. Elle étudiait en art visuel, oui. C'est ça. Puis elle avait un peu, presque en secret, elle écrivait. Puis c'est ses proches, c'est sa famille, après sa mort, qui ont décidé de publier... De faire le travail. En collaboration. Oui, c'est ça. Puis dans le recueil, d'ailleurs, il y a, là, je me souviens plus exactement du nombre, mais à peu près une vingtaine de poèmes qui sont terminés, que la famille a jugé terminés. Puis il y a toutes sortes de petits extraits de textes, des fragments. C'est ça qui finit le recueil. Et des lettres aussi. Ce que je trouvais intéressant, que des thèmes de certains poèmes reviennent dans les lettres, les mots presque pareils, formulés autrement, et il y a comme une obsession autour de la construction, encore une fois, et comme tu l'as dit tantôt, Dordogne, ça rock un peu plus que la poésie qu'on a vue jusqu'à maintenant. Oui, mais on sent que c'était une artiste qui se consumait. Ouais. Il y avait quelque chose de très intense, comme si elle savait... De façon mystérieuse qu'elle allait mourir jeune. Janvier 96, elle l'a dit, ouais, je vais mourir jeune. Je vais en lire un extrait, mais d'ailleurs, moi, c'est parce que je viens du milieu du théâtre que j'ai entendu parler d'elle depuis... ça fait quelques années là, que je connais son écriture. Puis là, on est un peu à la fin de la vague. Cette fois-ci, parce que ils viennent de faire une pièce de théâtre autour de son œuvre au Théâtre La Chapelle, montée par Hannah Abdelnour, puis ils mettent en scène ses mots. Ça m'a donné goût de replonger. Oui. Alors, c'est pour ça que j'amène ça aujourd'hui à l'émission. Je vais en lire quelques extraits parce que ça vaut la peine pour ceux qui connaissent pas cette poète-là. Le début, le premier poème de son recueil, « Bienvenue ». Bienvenue, mon conquistador, mon frigidaire, mon auréolé, ma marque grise, mon charbon, ma craie blanche, mon irrémédiable, ma colle de charpentier, ma roche. Bienvenue, mon sémiologue de tout, mon bâton de baseball, ma poque de hockey, mon gardien de tous les buts, mon billard à 8 trous, mon infini absurde, mes beaux yeux bleus. Bienvenue, mon givre d'été, mon hibou sur les toits, mon 1,5, mon char à 3 roues, mon abstraction lyrique, ma poésie fangeuse, mon noir éclairé, mon sauvage civilisé, ma croix en forme de cercle, mon patient, mon éternel éphémère. Bienvenue. Bienvenue, mon sein damné, mon carré blanc sur fond blanc, mon briquet rose, mon monstre, mon cœur ensanglanté. Bienvenue. Bienvenue, ma plaie parfaite. Bienvenue, mon gâteau sur roue. Bienvenue, mon poignard cassé. Au revoir. Bienvenue. Quand même. J'ai plus de frissons que quand je les lis. Merci, Marie. C'est fou. Nous, ça c'est emblématique, c'est celui qu'elle avait publié dans la revue Arcade qui, de son vivant. A inspiré le titre du recueil d'ailleurs. Nous, c'est écrit beaucoup autour de je, tu, nous. Nous aurons des douches neuves remplies d'alluvions et d'odeurs atroces. Nos corps pleureront des gouttelettes de suie brune. Tu verras comme nous serons heureux. Tous les jours, nous encenserons nos 15 ans. Nos fauteuils de velours râpés atteindront la cime des cieux, nous aurons même la foi. Les devins s'arrêteront à notre porte fermée pour quérir un verre de lait. Nos enfants ne diront jamais rien. Les matins seront chauds, les soirs froids. Nos yeux ne se quitteront que pour aller cueillir des pommes vertes que nous laisserons paresseusement choir dans un grand panier d'osier aux éclats ternes. Tu verras comme nous serons heureux. Nous donnerons des perles aux cochons. des sous aux pauvres, de l'alcool aux alcooliques, des baisers aux amoureux, de la viande aux chiens, des poissons aux oiseaux et du blé aux assassins. Nos amis ne nous quitteront plus. Nous mettrons nos mères et nos pères au champ d'honneur. Les alchimistes gérontologues feront le pied de grue devant des fenêtres que nous aurons nombreuses et propres. La musique adoucira nos mœurs terribles et dégradantes. Nous parlerons français avec un accent salvadorien, afin de se rappeler notre défunt Chico mort à la guerre comme une carpe. Nous aurons des oiseaux de proie, blottis au creux des armoires, des coqs en pâte et des poules au pot. Nombreux seront nos ennemis. Tu verras comme nous serons heureux. C'est fou, hein, de confronter ces images-là. C'est très, il y a beaucoup d'humour à travers quelque chose de très dur. Ouais. Et il y a quelque chose d'ironique, en fait. Oui. Là, on change de style quand même. Je voulais montrer le panorama. Ouais. Mon tendre. Ami, te dire que tout nous est permis, que nous ignorons la peur et que la bénédiction ne nous quittera pas. Te dire que la folie demeurera toujours belle, parce que nous serons détachés de tout, y compris de nous-mêmes. Moi, je mourrai très jeune. Tu me survivras, afin d'éviter la tristesse. Tes caresses et tes regards, je les emporterai partout. Je n'oublierai que tes paroles, afin que chaque mot que tu me portes reste le premier. Les paradoxes et les errances seront nos pains quotidiens. La seule sûreté à laquelle nous aurons droit sera celle de nos bras écartés, de nos corps quelquefois enlacés. Nous aurons tous les droits, même celui de nous oublier. Nous ne nous désapprendrons jamais. Si l'un pleure, l'autre sera grave et silencieux. S'il rit, nous serons bêtement heureux. Nous ne serons pas deux, nous serons mille. Et constamment de passage, calme comme des récidivistes, agité comme des voleurs, muet comme des assassins. Dieu que je t'aimerai. Et elle a écrit ça le 10 janvier de l'an 1996. Elle est morte 2 mois plus tard. Geneviève Desrosiers. Merci. Alors, lisez-la si vous ne la connaissez pas. Nombreux seront nos ennemis. Chez Loi de Cravant, et je vais mettre la couverture sur notre page Facebook. Merci, Maryse Lapierre. On va écouter un peu de musique et on revient. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. On reste un peu dans le thème de la poésie aujourd'hui. J'ai lu un livre qui est présenté à la courte échelle comme un livre jeunesse. Moi, je l'ai vraiment lu comme une lecture adulte. Je trouve que ça s'adresse à tout âge. Roger Desroches, Boîte à mémoire, dans un mot comme ça. C'est un livre, c'est comme des petits bouts de journal que Clara écrit. Quand elle se retrouve laissée par tous, les grands-parents maternels qui meurent coup sur coup dans un mois, la père emporté 2 mois plus tard par un cancer et la mère qui sombre dans la folie, dans la dépression et son chum qui l'a laissée parce qu'il aimait trop. En tout cas, c'est ça ce qu'il lui dit. Et elle va ramasser la boîte à bijoux de sa grand-mère. Elle va la vider de tout bijoux et elle va écrire ses mémoires. La grand-mère est morte d'Alzheimer et je pense que ça aussi, ça joue. Fait qu'elle, elle se dit, je n'oublierai rien. Et le livre est très poétique et en même temps très terre à terre. Il y a là comme un mélange. On a vraiment l'impression d'être avec une jeune de 17 ans. Et en même temps, c'est une fille d'une grande maturité, d'une grande résilience, après toutes ces pertes-là, de se relever, d'essayer de se construire. C'est très, très beau. À la toute fin du livre, j'ai appris que c'est un livre qui répond à un poème de Roger Desroches, où c'est le point de vue du garçon qui la quitte, finalement. Ça s'appelle Poésie, volume 1. Non, Le Verbe cœur, qui est paru à La Courte Échelle aussi. Mais ça se lit aussi sans avoir lu cette poésie-là. Boîte à mémoire, Roger Desroches, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Je suis tombée dedans hier et j'ai pas pu arrêter. Et sans trop de pause, on passe aux actualités. Il y a une séance de signature avec Fabien Lecourt pour son livre « L'absence de la cigogne » à l'édition La Plume d'or chez Pantoute ce samedi de 13h à 16h. Et c'est Pantoute sur la rue Saint-Jean. Demain, à la librairie Vaugeois, au 1300 Maguire, c'est le lancement du livre « L'horloger » de Félix Villeneuve aux éditions XYZ. Le jeudi, le 2 octobre, au Sacrilège, il y a un party de financement pour l'événement Québec en toutes lettres. C'est le plus grand événement littéraire qu'on a en ville. L'entrée est gratuite, mais chaque consommation, il y a une partie de l'argent qui va à Québec en toutes lettres et chaque consommation vous donne la chance de gagner un prix de présence. Ça commence à 21h et ça finit à 3h. C'est une vraie de vraie sortie littéraire. Et on peut faire notre petit tour de table et on va essayer de faire ça dans l'ordre. René, c'est toi qui as ouvert. Dans l'ordre, ça veut dire avec moi, ça, qu'on commence? Oui, exactement. Alors, je vous ai parlé de ma lecture d'été, un roman le plus récent, fin 2013 quand même, Nancy Houston, Danse noire, un roman un peu éclaté, déroutant, comme je le disais tout à l'heure. Faut s'y accrocher, de beaux personnages. Un roman familial qui s'étend sur un siècle d'histoire. Alors, quatre et langues. Un autre, pardon? Et quatre langues. Et plusieurs langues, voilà. Hein, même avant Alexandre Jardin, il y a du québécois là-dedans. Le plus récent Alexandre Jardin, paraît-il qu'il y a lui beaucoup aussi de langage québécois. Et Philippe Deschemins, pas de S à Deschemins, chemin, non. Comptoyen, un roman... Il y a un S, mais à mauvaise place. Où ça? SCH. Ah! Comptoyen. Alors, un roman d'anticipation, une utopie négative où, dans un futur plus ou moins rapproché, la vie ne se réduira plus qu'à consommer rien d'autre. Et pour cela, eh bien, il faut exploiter des gens. Voilà. On déprime encore. Hélène Lépine nous a parlé du recueil « On ne laisse rien » de Jacques Ouellet chez Noroy et de « Salut Lou » de Laurence Ouellet-Tremblay chez La Peuplade, qui a gagné le prix de la poésie au 50e Salon du Livre du Saguenay qui a pris fin hier. Christine Eddy est venue nous voir pour nous parler du livre « Je suis là » qui raconte l'histoire d'Angèle qui est verrouillée, syndrome du verrouillage en elle-même, mais qui a un regard tout à fait humoristique et en même temps poétique sur sa vie. C'est un livre rempli d'espoir. Il y a pas vraiment d'abattement. Grand coup de cœur pour moi. Maryse, toi et moi, on a présenté... Nombreux seront nos ennemis de Geneviève Desrosiers aux éditions Loi de Cravant. Qu'on aime d'amour. Et j'ai très vite parlé de Boîte à mémoire de Roger Desroches à La Courte Échelle. Merci de nous écouter. Restez à l'écoute. Merci à Guérit Agar à la mise en onde. Il y a les bâtards qui suivent et la semaine prochaine, c'est l'émission et c'est le spécial Jeunesse avec Olivia Wu. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique du monde avec Richard Desjardins, Alexandre Dacosta et Alexandre Etier.